ne demande pas au silence ce qu'il sait. Il est comme toi. Il s'interroge. Le silence. Plus il sait, et plus il se dérobe. Et plus il se dérobe, plus il porte de lui-même. Mais s'il cherche à communiquer, alors il voudra vivre toute sa vie de silence. Il sera fusion du soleil et du champ. Tout arbre, dans sa force, se taira pour l'écouter.